Adigno était prêt à tout et à n'importe quoi. Eh, Benny. Il se disait qu'il était temps de passer aux choses sérieuses. C'est qui les mecs les plus friqués du coin? Je sais pas, il y en a plein. Regarde Jerry Adrian, comment il est. Regarde Chevette, avec sa grosse chaîne en or et ses fringues. Il vise un peu Pérou, t'as vu la gonzesse qui se tape? Bérénice, c'était la nana de mon frère. Elle t'a vu sa bagnole. Regarde Neguigne, ce petit con de nègre. Il porte que de l'or. Une chaîne en or, une montre en or. Et t'as l'autre, la Senoura. T'as vu sa bagnole à lui, Béné? Tous ces mecs, c'est des dealers. Ouais, et ils sont tous blindés de thunes. Nous, si on veut pouvoir se faire plein de pognon, le truc, c'est le trafic de drogue, c'est clair. Ouais, t'as raison. Il faut qu'on se mette à vendre de la poudre, ça paye pas assez. Ouais, mais il faut du fric pour lancer l'affaire. T'inquiète, Béné, on déboule chez ces connards, on les bute, puis on s'installe. Ouais, super, et on commence quand? Tout de suite. Eh, on sait qui fait quoi? Pas la peine de nous raconter ta vie. Ça bigrave la mort, ça bigrave la bœuf. Sur le raté, sa vie, ça a dû te chier. Nous, on s'est fait tout seul. Dis-moi, quel grand nous a fait la passe? Moi, j'ai sorti compter. Aucun de mes rêves va me laisser pour une tasse. Ça va rendre en bécane? Les condés veulent nous casser les couilles. Sur moi, j'ai la recette. Si je me fais péter, y'en aura dans ma fouille. Ça va rendre en bécane? Les condés veulent nous casser les couilles. Sur moi, j'ai la recette. Si je me fais péter, y'en aura dans ma fouille. Le monde tourne en rond, mais je fais les choses carrées. Sur le raté, les keufs tournent en boucle, pourtant la plaquette est carrée. Les barrettes sont bien coupées, 2 grammes dans les sachets. C'est de 13h à 22 quand la fatigue s'achète. Fais pas le bandit, toi, ta bouca. Dis-moi ce que t'as fait quand ta soeur était dans la cave. On traîne à 5, mais t'inquiète, gros, on fait mal. Ratatata, sur ta gueule, sale gros trou de balle. J'ai la haine parce que je vois ces merdes de percer. J'ai commencé à faire 2-3 textes et me gratte la médie comme mon jersey. Prends la plaquette et donne-moi 300. On traîne un sec, on n'est pas 300. Tu m'as baisé, tu m'as appelé le sang. Elle voulait tellement se faire défoncer que quand j'ai mis ma bite, je vois qu'elle saigne. Putain de merde, c'est elle qui m'a baisé. Ramène de l'argent, y'a que devant ça que je peux embrasser. Avec Curtis, dans ma tête on veut que brasser. Ramène du bif, t'inquiète jamais, je serai angoissé. Tu parles avec la cité, t'as vu? Y'a plein de culs qui vont arriver là. Comme de gros fils de pute. Je suis posé moi avec Pastor. Comment ça faire? On va des steaks? Je sais pas. Ok, USA. Y'a Marwan, y'a Nassim. Pounaya. On est là gros. Allez les mecs, on se pète. Alors chacal, ça casse. Il faut des.